Alexander Serda interprétait la deuxième partita en do mineur de Jean-Sébastien Bach, BWV 826. Jean-Sébastien Bach qui continuait de jouer lors de son récital avec la toccata en do mineur. Alors cette toccata en do mineur, évidemment, fait partie des œuvres de jeunesse écrites par Jean-Sébastien Bach. Lorsqu'il avait à peine 20 ans, il a été nommé à Weimar. Il a écrit toute une série de toccata et fugues là-bas. Et vraiment, c'est ici qu'éclate son génie du contrepoint avec cette magnifique toccata en mi mineur, BWV 911, qui se termine par une immense fugue à trois voix. Voici Alexander Serdar au piano.